إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله فاتقوا الله بدوام الطاعات وهجر المحرمات فقد فاز من تمسك بالتقوى في الآخرة والأولى وخاب من خسر ومن اتبع الهوى عباد الله اذكروا نعم الله عليكم التي لا تعد ولا تحصى وقابلوها بالشكر لتدوم وتبقى قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ويقول تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عباد الله بالأمس في رمضان صفت لكم الأيام والليالي وتلذذتم بأنواع الطاعات في تلك الساعات الخوالي ووفق الله لهجر المحرمات خوفا من عقاب الله فلا تتبدلوا العصيان بطاعة الرحمن ولا تتبدلوا الغفلة بذكر الله وتلاوة القرآن ولا يدخلن عليكم في الفرائض النقص بالتقصير فيها أو الكسل عنها فالصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي هو صفات المؤمنين وشعار المتقين قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ولا يتحول أحد مما يحب الله سبحانه وتعالى منه إلى ما يكره الله منه لأن لا يتحول الله له إلى ما يكره ولا يغيرن أحد ما كان عليه من الاستقامة والسداد والطاعة إلى اتباع الهوى والشيطان ومفارقة المنكرات والمحرمات فيغير الله عليه أحواله وتنتكس عليه أموره قال الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وليجاهد المسلم نفسه على أن يكون على أحسن الأحوال مستعينا بالله تبارك وتعالى وليسأل من ربه العون والتوفيق على أن يعينه على طاعته ويحفظه على معاصيه. عباد الله، ألا تعلمون أن أحسن أمور المسلم أن يكون على طاعة بعد طاعة، وأن يتبع الحسنات مع مجانبة السيئات؟ قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم إن دون هذه المنزلة أن يتبع السيئة الحسنة لتكفرها. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي حديث أبي ذر في حديث معاذ وأبي ذر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وأسوأ أحوال العباد أن يتبع السيئات أو يتبع الحسنات السيئات التي تبطلها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لأن السيئات والمعاصي بعد الحسنات والطاعات قد تحبط العمل، وقد تبطل بعض العمل، وقد تنقص ثواب الأعمال. وقد ذكر الصالحون عن السلف أنهم كانوا يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان 6 أشهر، ويدعون الله في ستة أشهر أن يبلغهم رمضان. ومن كيد الشيطان أن يزين للإنسان التهاون في الطاعات والضعف أمام المحرمات في غير رمضان لينال منه ما لم ينل في رمضان، لأنه كان في رمضان مأسورا. قيل لبشر الحافي رحمه الله: ما تقول في قوم يجتهدون في رمضان فإذا ولى تركوا؟ قال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. وأعظم الكرامة هي أن يمن الله على العبد بالاستقامة في كل أيام عمره، فذلك هو الفوز كله والسعادة التامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وعن سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وربما ربنا عز وجل هو الذي يعبد في كل مكان وفي كل زمان، وهو الذي يجب أن يطاع فلا يعصى. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال المفسرون: اعبد ربك دائما حتى يأتيك الموت. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس للمؤمن وقت ينتهي إليه حتى يأتيه الموت. ومن فهم من الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، من فهم من الآية أن التكاليف تسقط عن العبد بعد وصوله إلى اليقين وهو عدم الشك، فهو من الزنادقة والملحدين الذين يهدمون الدين باتباع الهوى والبدع، ودينه غير دين الإسلام. وإذا كان رمضان قد انقضى فرض صيامه وشرع في شهره أنواع الطاعات، فقد شرع الله فيما بعد رمضان فعل الخيرات وأوجب الفرائض ونهى عن المحرمات، فقد شرع صيام ستة أيام من شوال. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وشرع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكذلك صيام الدهر، وذلك كصيام الدهر كذلك، وكما في الحديث. وشرع صيام الاثنين والخميس، وصيام عرفة، وصيام عاشورة، وصيام عشر من ذي الحجة. وشرع الذكر مع تلاوة القرآن، ومن أفضل التطوع الصلاة في جوف الليل على طول السنة. وشرعت الصدقة بأنواع النفقات، وشهر شوال بداية أشهر الحج. فالأعمال الصالحات كما هي في رمضان فهي مشروعة فيما بعد رمضان، والسابقون هم المستكثرون منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، ومن مكر الشيطان أن يصاب بعض الناس بالكسل عن الصلاة الفريضة فيصلي في رمضان ويترك الصلاة بعد رمضان، أو يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها، وذلك كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ولقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. عباد الله، إن عدوكم الشيطان كان عنكم مأسورا ويريد أن يأخذ منكم بثأره ليجعل الأعمال هباء منثورا، فردوه بالاعتصام بالله والثبات على الصراط المستقيم خائبا مدحورا، واعلموا أن السعادة والفلاح الأبدي ساعة على الطاعة، وصبر ساعة عن المعصية، صبر ساعة على الطاعة وصبر ساعة عن المعصية، وأن الخسران والشقاء الأبدي اتباع الهوى ساعة. ولو تفكر ابن آدم في قصر الحياة وزوال الدنيا وقصر أجلها لاشتغل بصالح الأعمال، ولما ألهاه الأمل. يقول تعالى: ويوم تحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، أو كلم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يتعارفون بينهم: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يتعارفون بينهم: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. فما نسبة عمرك في هذه الساعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ويقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وهذه الدار ليست بدار قرار، وإنما دارك هي الآخرة، إما نعيم مقيم وإما عذاب أليم. نسأل الله العافية. Serviteur d'Allah, craignez Allah, préservez-vous d'Allah en faisant des œuvres et en continuant à faire les bonnes œuvres que vous avez commencé à faire et en vous écartant des interdictions et des choses que Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdites. Parce que celui qui s'accroche à la taqwa, eh bien, il aura le succès dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Tandis que celui qui suit sa passion, eh bien, il va périr et il aura perdu. Serviteur d'Allah, parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont innombrables et impossibles à calculer, il y a le fait qu'il nous a permis de pouvoir faire des bonnes œuvres et qu'il nous a comblés de toutes sortes de grâces. Et pour que ces grâces puissent rester avec nous et pour qu'on puisse continuer à en jouir, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, et ce qui implique qu'on doit être reconnaissant envers ses grâces. Parce que la reconnaissance envers les grâces d'Allah, ce n'est pas seulement de les remercier, ces grâces, avec la langue, en disant « Alhamdulillah », parce que de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala avec notre langue, ça c'est un des aspects du remerciement, de ce qu'on appelle en arabe « ash-shukr ». Mais c'est seulement une parmi trois catégories de shukr. Et les ulama ont expliqué que parmi les catégories de shukr, il y a « ash-shukr bil-qalb », le remerciement d'Allah par le cœur. Et ça c'est quoi? C'est de reconnaître que cette grâce, elle vient d'Allah et qu'elle vient de personne d'autre que lui. Et une autre catégorie de shukr également que les ulama ont mentionné, c'est ash-shukr bil a'mal salihah, c'est-à-dire d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des bonnes œuvres. Et par rapport à cette question, justement, on voit que il y a un hadith qui est rapporté selon Aisha radiyallahu anha. Lorsqu'elle voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait toutes les nuits et qui prolongeait ses prières jusqu'à ce que ses pieds se mettent à fendre et à craquer, et elle lui demande: « Ô messager d'Allah, Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Alors pourquoi est-ce que tu fais des prières aussi longues et que tu pries la nuit ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit: Afala akunu abdan shakura? Afala akunu abdan shakura? Est-ce que je ne vais pas être un serviteur reconnaissant? Donc, parmi les exemples d'être reconnaissant et de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les grâces, il y a le fait de faire les œuvres de piété, les actes que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et lorsque on fait preuve de reconnaissance face aux grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense en augmentant les grâces qu'il nous donne. Comme il le mentionne dans plusieurs versets dans le Coran: La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vais vous augmenter. Je vais vous rajouter des grâces. Donc, soyez reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous venons de quitter un grand mois, un mois extrêmement important pour nous, qui est le mois de Ramadan, un mois d'adoration, un mois de piété, un mois de bonnes œuvres. Et dans ce mois, on ressent beaucoup de bien. Et on voit comment la Umma, pendant ce mois, double des efforts, même triple d'efforts dans leur religion, dans leur générosité, dans leur piété, dans leur, hein, dans tout le bien qu'ils font, la récitation du Coran, les prières de nuit, le jeûne et toutes les bonnes œuvres qu'ils font pendant le Ramadan. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est bien, hein, puisque pendant le Ramadan, les portes, comme on dit, les portes du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'elles sont ouvertes et que les portes de l'enfer sont fermées et que les diables sont enchaînés, ce qui fait que on est capable de faire beaucoup plus de bonnes œuvres que d'habitude. Mais le danger par contre, c'est que après que le Ramadan soit terminé, eh bien on diminue de nos efforts ou on retourne à notre état précédent. Et ça, c'est quelque chose qui est mauvais. Surtout si on retourne à des choses qui étaient interdites ou des péchés, et des choses que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Donc il faut vraiment faire les efforts, hein, pour continuer à faire ce qui est obligatoire et s'écarter de ce qui est interdit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Seigneur de tous les mois. Ce n'est pas le Seigneur uniquement du mois du Ramadan. Et ce qu'il nous exige pendant le Ramadan, des actes obligatoires, il nous l'exige pendant tout le reste de l'année. Donc il faut faire attention aussi pour ne pas perdre les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala en s'écartant de ses obligations et en faisant ou en commettant les péchés et les interdictions. Et donc, de continuer à faire les bonnes œuvres, parce qu'il y a différents états qui peuvent exister par rapport aux croyants. Soit qu'il fait suivre les bonnes actions par des bonnes actions. Et ça, c'est l'idéal. Surtout s'il fait suivre les bonnes œuvres par les meilleures. Et Allah subhanahu wa ta'ala augmentera cela en guidance. Et il y a ceux qui font suivre des péchés par des bonnes actions. Et ça aussi, c'est bien. Si quelqu'un il a commis un péché, qu'est-ce qu'il doit faire par la suite? Faire des bonnes œuvres par la suite pour effacer ce péché-là. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans le hadith, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Si tu fais suivre un péché par une bonne action, eh bien, les bonnes actions que tu fais après avoir commis le péché vont effacer, hein, les traces de ce péché-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également dans le Coran, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Les bonnes œuvres que tu fais, elles effacent les mauvaises. Donc, de faire des efforts par rapport à ça. Le danger, c'est de faire suivre des péchés par d'autres péchés. Hein? Et quand quelqu'un rentre dans ça, hein, il commet un péché et il fait suivre un péché par un autre, il entre dans un cercle vicieux duquel il devient de plus en plus difficile pour lui de sortir. Donc, la meilleure façon de briser ce cercle vicieux, c'est de se repentir à Allah et de commencer à faire des bonnes œuvres. Et ainsi, il brisera le cercle vicieux dans lequel il est. Donc, de rester ferme sur la droiture, de chercher de la part d'Allah al-istiqama, c'est-à-dire la rectitude et la droiture, la fermeté et le fait de s'accrocher fermement sur les ordres d'Allah et sur le bien, pour obtenir cette grâce et pour pouvoir la garder. Parmi les choses également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à faire, c'est de continuer après le Ramadan à faire des jeûnes surérogatoires. Hein? Comme par exemple, il nous a encouragé à faire 6 jours pendant le mois de Shawwal. Et il a dit dans le hadith, celui qui jeûne, hein, qui a jeûné le Ramadan et qui fait suivre le Ramadan par 6 jours, eh bien c'est comme s'il aura jeûné, hein, tout le temps. Hein, c'est comme s'il aurait jeûné tout le temps. Donc ça veut dire que il est encouragé à faire suivre le Ramadan par d'autres jours de jeûne, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont surérogatoires et méritoires. Donc ça, c'est important. De même que parmi les jeûnes qui sont recommandés dans la sunna, il y a les 3 jours, hein, qu'est-ce qu'on appelle « ayyam al-bayd ». c'est-à-dire les trois jours du milieu du mois, hein, les jours de la pleine lune, hein, c'est bien de les jeûner. De même qu'il est recommandé de jeûner le lundi et le jeudi de chaque semaine, et de jeûner le jour de Arafat et le jour de Ashura, et de jeûner les dix jours de Dhul-Hijjah. En ce qui concerne le Coran, il est recommandé de le réciter, de le lire tout le temps, et de faire le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pas seulement pendant le Ramadan. De même que la prière de la nuit, qu'est-ce qu'on appelle At-Tarawih, qu'on fait exceptionnellement en jama'a, en groupe, dans la mosquée pendant le Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le Tarawih toute l'année, mais tout seul, chez lui dans sa maison, ou bien avec sa famille. Il se levait la nuit pour prier. Hein? Qiyam al-layl, tahajjud. Donc ça, c'est parmi les actes surrogatoires qui sont aimés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui ne sont pas spécifiques ou limités ou restreintes uniquement au Ramadan. Donc tout ça, il faut continuer à le faire. De même que les sadaqat, nafaqat et tout ça, ça c'est pendant toute l'année qu'on peut le faire. Et également aussi le hajj qui s'en vient. Donc c'est bien de préparer ça et de penser, ceux d'entre nous qui n'ont pas encore accompli le cinquième pilier de l'islam, qui est le pilier du hajj, eh bien c'est bien de commencer à se préparer. Cette année, il est trop tard maintenant. Les places, je pense que c'est déjà comblé et c'est déjà terminé. Mais si quelqu'un pense à faire son hajj, qui est un de ses piliers, une de ses obligations, qu'il commence à partir d'aujourd'hui à se préparer pour l'année prochaine, à mettre l'argent de côté pour acheter son billet, pour préparer son hajj. Hein? Parce que ça, c'est une obligation, il ne faut pas la laisser. Des gens qui pensent que le hajj, hein, tu vas le faire juste quand tu vas être vieux, ou quand il va être très, hein, très tard dans ta vie, alors que tu ne sais pas si tu vas vivre jusque-là, et tu ne sais pas si tu seras assez fort ou en santé pour être capable de le faire. Donc profite de ta jeunesse, profite de ta santé pour faire ton obligation et pour faire ton hajj. N'attends pas. Hein? Et donc ça fait partie des choses qui sont importantes à se rappeler après le Ramadan, et de ne pas à perdre les bonnes habitudes qu'on a gagnées pendant ce mois béni. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم